Une chose étonnait mon père. La lettre du censeur n'arrivait pas. En réalité, cette lettre n'existait pas. Je me croyais renvoyé du collège, mais je me trompais. Aussi, mon père ne comprit-il rien lorsque, au début des vacances, nous reçûmes une lettre du proviseur. Il demandait si j'étais malade et s'il fallait m'inscrire pour l'année suivante.